Je vais dire attention. Parce qu'à trop vouloir se protéger, on s'affaiblit. Puis je donnais un exemple, les empereurs qui prenaient une petite dose de poison chaque jour. Puis quand il y avait un attentat au poison sur eux, bien, ils survivaient. Ils étaient malades un bout de temps, mais ils survivaient. Parce qu'ils avaient endurci leur système. Donc, tout ce qui protège trop, ça affaiblit. Je le sais que ça a l'air contradictoire, mais c'est vraiment de même que ça marche. Puis bon.